Aujourd'hui et cette semaine, on prépare les vacances, on va marcher sur la plage, on va chercher l'amour. Bref, on va marcher sur les pas et dans les films d'Éric Rohmer. J'ai la très grande difficulté à parler de mes propres films. Pour moi, c'est vague tout ça, c'est une conversation. Je ne vois pas ce que je peux dire d'ailleurs de plus, parce que quand on aime la simplicité, on ne peut le dire que simplement. Que c'est bon, mais que c'est bon, tu te rends compte. Le cinéaste. Avec les filles, tu peux toujours te être surpris. Bon, je sais pas, on sait jamais, elles sont un peu bizarres, les femmes. Mais... On n'a jamais osé, au cinéma, montrer des personnes qui avaient une véritable conversation. Les garçons sont cons, mais qui sont cons. Les légumes, c'est plus aérien, c'est, je sais pas, ça... Une fille, elle doit être nulle, débile, demeurée, ça descend jamais à ce niveau-là. Jusqu'à quel point? Jusqu'au bout, si tu veux savoir. Bah, c'est à cause de la pleine lune. Comme dans les fables de La Fontaine. Ce dont je suis capable, c'est d'écrire un texte. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous en savez? Tandis que tout pensif, j'étais d'une pensée qui me plaisait. L'idée même de rencontre, l'idée de la carte à jouer, l'idée du rayon vert. Comment tu sens que ça c'est bien pour toi? Eh bien, je vous le dirai quand t'en auras... Arrêtez le téléphone. Bon, mais parce que je veux pas livrer trop les secrets de fabrication. Bonjour Noël Herp. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous en connaissez beaucoup, vous, des secrets de fabrication des films d'Éric Rohmer? Écoutez, oui, j'ai un côté peut-être un peu indiscret. Je me suis penché sur la question à l'occasion de plusieurs bouquins. Et puis dès que j'ai vu les films de Rohmer, j'ai eu envie de voir comment c'était fait, en fait. Vous êtes co-auteur d'une biographie d'Éric Rohmer, hein, écrite avec Antoine de Beck. Rohmer vous a accompagné, j'allais dire toute votre vie, en tout cas à partir du moment où vous l'avez rencontré. Quelle place tient-il dans votre cœur? Ah bah centrale, parce que en fait je voyais pas mal de films quand j'étais adolescent dans les années 80, et puis c'était des films, c'était un peu la mode, des films un peu baroques, flamboyants, Benex, Besson, tout ça. Bon, le cinéma français finalement ne m'intéressait pas beaucoup. Mais il y avait quand même deux cinéastes qui me touchaient, c'était Piala, bien sûr, avec À nos amours, et Rohmer. Je me revois effectivement en voyant, découvrant Le beau mariage, Les nuits de la pleine lune, et surtout Le rayon vert, et me disant, mais c'est de moi qui parle, c'est ah moi oui, c'est Delphine. Ça oui. Bah oui, parce que j'étais exactement dans cette situation-là, je cherchais l'âme sœur, comme tout adolescent ou adolescente. Alors, juste, on va en parler aujourd'hui, mais Delphine, le personnage de Rayon Vert, est une femme seule qui se fait plaquer par son amie 15 jours avant de partir en vacances et qui passe le film à errer et à pleurer. Et c'est à elle que vous identifiez, Noël Herp. Oui, complètement, parce que la problématique des vacances qui approche et on ne sait pas avec qui on va partir en vacances, on est renvoyé au fait qu'on n'est pas en couple, que tous les autres sont en couple et pas vous. Enfin, le silence et l'abandon d'Aout, pour reprendre une formule de Monterland. Hein. Et d'ailleurs, le film devait s'appeler d'abord Les Aoutiennes. Hein. C'est-à-dire cette espèce de vide, de vacances que creuse au sens étymologique et profond du terme les vacances, et qui fait que tout d'un coup, on est renvoyé à la fois à sa solitude amoureuse et puis peut-être à vide métaphysique plus profond, parce que je pense qu'il y a aussi des thèmes un peu plus profonds que ça derrière la quête amoureuse. Rohmer est un cinéaste littéraire, lettré en tout cas, et qui puise beaucoup dans ses lectures des références qu'il va utiliser ensuite au cinéma. On lui a beaucoup fait le reproche de l'intellectualisme, voire même du snobisme intellectuel, ce qui en dégoûte plus d'un, on va y venir aussi. Qu'est-ce que vous dites à ça pour sa défense? Je pense que c'est un intellectuel qui lutte contre son intellectualisme, c'est-à-dire qu'en fait il est pétri de culture, c'est un grand littéraire en effet, c'est quelqu'un qui connaît très bien la musique, la peinture, mais il a d'emblée, je dirais, on pourrait presque dire tiré un trait sur tout ça, dès 1955 dans un texte fondateur qui s'appelle Le celluloïde et le marbre, paru dans les cahiers du cinéma, qui est un peu son grand texte programme, et où il nous dit, d'une manière qu'on peut juger peut-être un peu polémique, un peu sulfureuse ou même voire un peu réactionnaire, mais il nous dit que finalement les autres arts perdent un peu la foi en eux-mêmes, ils se réfugient justement dans un intellectualisme un peu desséchant, et que le cinéma est l'art qui va réinventer le miracle, qui va réinventer l'utopie et qui va nous faire redécouvrir la beauté du monde, selon peut-être un idéal classique, mais passé par la modernité du cinéma. Donc c'est tout un paradoxe rohmérien qui lui permet de se défaire peut-être de son trop-plein culturel, de son trop-plein de références, pour aller vers la vie, tout simplement. Je crois que c'était vraiment un cinéaste qui n'a cessé à partir de son... Si vous regardez par exemple son premier film, La Sonate à Kreutzer, qui est inspiré de Tolstoï, avec un commentaire en voix off assez pompeux, quelque chose d'assez démonstratif. On sent qu'il est pris dans la gangue de la littérature, qu'il a du mal à tuer le père, à couper ce cordon ombilical avec les maîtres anciens. Et puis, plus il va aller dans sa carrière de cinéaste, plus il va, en quelque sorte, s'ouvrir à une réalité qui le déborde, qui n'est pas simplement celle qu'il a voulu lui en tant qu'auteur, et pourtant Dieu sait qu'il a été un auteur, mais il va en quelque sorte ouvrir une fenêtre sur le monde et regarder exister les autres à sa place, ou du moins faire semblant d'eux. Car je pense que c'est toute la stratégie romérienne, c'est-à-dire de déguiser ses traces, de cacher son regard derrière l'autre qui va exister à sa place et en quelque sorte donner à la fabulation l'apparence du documentaire. C'est ça, et ça on le retrouve souvent, l'apparence, ou parfois d'ailleurs c'est vraiment un documentaire qu'on voit dans les films de Romère. Certaines personnes qui prennent la parole ne sont pas forcément payées comme acteurs. Oui, il y a très souvent ça dans Conte d'été dont on parlera demain. Conte d'été, mais déjà dans Ma nuit chez Maud, dans Le signe du lion, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'idéal de frottement entre le documentaire et la fiction, où tout d'un coup il y a des capsules documentaires qui viennent tout d'un coup vérifier la fiction, valider la fiction et donner l'impression que cette fiction est véridique. Donc il a, au fond, Romère est quelqu'un qui n'arrive plus, je pense, à croire vraiment à la fiction littéraire. À La Marquise sortie à 5h, pour lui, c'est plus possible. D'ailleurs, il le dit dans le Celluloïd d'Elmar, dès 55, il dit finalement, il s'intéresse par exemple au journal du voleur de Genet, il s'intéresse à des témoignages de condamnés à mort américains, il dit que finalement la littérature ne l'intéresse plus qu'à partir du moment où elle est journalistique. Enfin, évidemment, il pousse le bouchon un peu loin à l'appui de sa thèse. Mais le cinéma, tout d'un coup, parce que ça a l'air vrai. Et plus ça aura l'air vrai, plus la fable va se cacher derrière une apparence de vérité. Au fond, de ce point de vue-là, il est à la fois basinien, disciple d'André Bazin, qui évidemment a théorisé cette idée du cinéma comme enregistrement de la réalité, et en même temps, c'est un grand pourvoyeur de mythes. C'est quelqu'un qui essaye de redonner au mythe, à la fable, au conte, ses lettres de noblesse. Donc l'idée, c'est de montrer la réalité telle qu'elle est, mais telle que nous ne la voyons pas, car il y a dans la vie quotidienne trop d'obstacles pour la voir, ou au contraire de montrer quelque chose qui ne serait pas dans la vie quotidienne et que seul le cinéma pourrait apporter, une forme de magie. Oui, je dirais que c'est assez paradoxal, parce qu'en effet, il s'agit de montrer cette capacité d'enregistrement du cinéma comme une vocation en quelque sorte essentielle, et de montrer que à travers cette réalité, tout d'un coup, il y a un texte caché, un texte spirituel, éventuellement religieux, qui se cache mais qui va jamais être dit explicitement. Si vous comparez par exemple Romère à Bresson, Romère est un cinéaste chrétien, mais il va jamais asséner son message, et c'est toujours à travers les jeux du hasard que tout d'un coup se révèle un destin. Les personnages de Romère sont des personnages qui évoluent, qui marchent beaucoup, Le signe du lion, Le rayon vert, Conte d'été, il marche sur la plage, il marche dans Paris, il marche dans les rues de province, dans Le beau mariage aussi. Et c'est comme s'ils étaient devant une carte postale, devant des murs de pierre qui n'ont plus rien à dire, un décor un peu vide, un peu vain, un peu poussiéreux, et tout d'un coup ils vont se détacher dans leur être, dans leur existence, qui va en quelque sorte les révéler à eux-mêmes, mais ça ne peut se faire que dans l'espace du cinéma. Au fond, je dirais que si Romère est chrétien, c'est parce qu'il croit au cinéma. Je pense qu'il n'est plus qu'en Dieu. Voilà, il n'est chrétien que grâce au cinéma. C'est le cinéma qui lui permet de réincarner sa foi. Il est chrétien, mais il a une philosophie. C'est-à-dire que dans tous ses films, ses personnages sont toujours en train de danser entre la foi dans le hasard, laissons faire les choses, et la croyance en un destin. C'est-à-dire d'un côté, nous sommes absolument libres dans un monde aléatoire, et de l'autre, nous sommes complètement déterminés par quelque chose qui est écrit. Oui, d'ailleurs, ça se retrouve dans sa pratique de cinéaste. On parle du rayon vert. Bon, le rayon vert, ça a l'air d'être fait comme si, ça a l'air d'être, puisque c'est un film assez exceptionnel dans son œuvre, un film qui a l'air d'être un film improvisé, comme ça, fait de chic, avec des actrices qui improvisaient devant la caméra en racontant n'importe quoi. Mais c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler sur les archives et de temps en temps quand même de faire des biographies. Ce que j'ai fait avec Antoine Debecq, parce qu'on s'aperçoit, quand on consulte ces archives déposées à l'IMEC, non loin de Caen, que tout ça était en fait, je dirais pas que tous les dialogues étaient écrits, mais il y avait une trame extrêmement serrée, et le livre de Jules Verne, Le rayon vert, qui est d'ailleurs un très joli livre, trop méconnu de Jules Verne, qui prête son titre au film, la trame, je dirais la trame fabuleuse, la trame mythique du livre, elle est suivie d'assez près en fait. Alors, arrivons au Rayon Vert, film de 1986. Voici d'abord la voix d'Éric Romère en 1976, suivie de la scène d'ouverture du Rayon Vert. J'ai toujours été attiré par le déguisement, toujours attiré par la mise en scène, toujours attiré par les contes, plus que par le cinéma, que je n'avais pas tellement vu dans mon enfance. Le cinéma me paraissait quelque chose d'assez... Je le dis franchement ici, quitte à me faire passer pour snob... quelque chose d'assez trivial, d'assez vulgaire, etc. Et je préférais le théâtre, que d'ailleurs je ne voyais pas, car en province il n'y avait pas de théâtre non plus. J'admirais mes classiques, je récitais du Racine et du Corneille. Non, je dirais, il suffit que tu me préviennes 2-3 semaines avant. Allô ? Bonjour. Oui, un petit instant. Delphine, c'est pour toi. Ouais. Merci. Allô? Ah, bonjour, tu vas bien? Je comprends. Ah, c'est vachement bien, ça. T'es contente? Bah, on peut se débrouiller pour y aller tous les trois. Qu'est-ce que tu veux me dire? Non, mais tu me laisses tomber, c'est ça? Oh non, mais... Non, mais à 2 semaines des vacances, je trouve ça vraiment dur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Marie Rivière qui joue Delphine dans Le rayon vert d'Éric Rohmer, qui vient d'apprendre donc que l'amie avec qui elle devait partir en vacances ne partira pas en vacances avec elle. C'est le tout début du film Noël Herp. On commence pas la semaine avec le plus facile des films de Rohmer. Il est quand même très aride et c'est souvent celui qui est cité comme, disons, emblématique du cinéma rohmérien de la part de ceux qui ne l'aiment pas. Oui, ça m'a toujours frappé. Il y aurait un livre à écrire là-dessus, les romérophobes. Il y a les Aoussiens. Ils sont nombreux. Les romérophobes. Ils sont nombreux. Je me souviens d'amis à moi à l'époque déjà qui disaient oh là là, mais Marie Rivière, c'est insupportable cette scène avec la salade. Mes étudiants souvent, ça les énerve aussi. Non, mais elle est mythique. On l'écoutera plus tard, oui, hein, oui. La scène avec la salade, comme vous dites. Bien sûr qu'elle est agaçante et elle s'agace elle-même. D'ailleurs, je pense qu'elle agace Rohmer aussi. Mais Rohmer, un peu comme Flaubert, fait aussi du cinéma. Enfin, comme Flaubert, on faisait de la littérature avec les clichés, avec les banalités, les lieux communs, une certaine forme de bêtise aussi parfois qu'on peut assumer dans les conversations où on raconte un peu des choses sans intérêt, les discussions entre nana pour trouver un mec, les discussions sur la salade, etc. Donc il y a effectivement ce goût avec Le rayon vert, plus encore que dans ses précédents films. Il y avait déjà eu un peu. Qu'est-ce qu'il a réalisé avant là du coup? Bah juste avant, il y a Les nuits de la pleine lune qui est un film. En fait, ça l'emmerdait un peu, Les Nuits de la Pleine Lune, parce qu'il avait l'impression que c'était un film trop parfait, qui avait eu du succès. On en parlera mercredi. Hein. Donc ça l'inquiétait parce que ça avait eu du succès. Donc il s'est dit là, il faut vraiment que je rompe. C'est quelqu'un, Rohmer, qui reste toujours fidèle à l'idéal de la nouvelle vague. Donc il va relancer en permanence son expérimentation et chaque fois qu'il sort, il craint de s'enfermer dans une formule, il part ailleurs. Et donc là, une fois qu'il a fait Les Nuits de la Pleine Lune, qui est un film assez sophistiqué, qui a eu un certain succès mondain et parisien et plus que ça d'ailleurs. Eh ben, il part montrer un autre milieu. Il y a aussi cette volonté chez lui de diversité. C'est de montrer des milieux sociaux très différents. Après la designeuse branchouille des Nuits de la Pleine Lune, il va nous montrer une petite secrétaire, comme ça, un personnage beaucoup plus banal. Donc, effectivement, en faisant ça, il s'expose à agacer pas mal de monde parce qu'il donne l'impression que ce qu'il donne à voir, c'est sans intérêt. Parce qu'il ne se passe rien, parce qu'elle ne rencontre pas de mec, parce qu'elle pleure tout le temps, parce que les conversations sont vides, parce qu'on est vraiment dans cette assomption du vide. Mais justement, c'est ça qui me paraît passionnant dans ce film, c'est que c'est un film qui nous donne à voir l'expérience du vide que nous avons quand même tous vécu, au moins dans notre jeunesse, et à quel point cette expérience nous prépare à la rencontre avec autre chose, qui n'est pas simplement un garçon ou une fille d'ailleurs, qui est, je pense, aussi une certaine forme de transcendance. Mais c'est là où il est très très fort. Vous disiez en début d'émission que vous pouviez vous identifier au personnage de Delphine. Ça m'est arrivé en regardant le film aussi, alors qu'apparemment on peut se considérer comme étant absolument opposé à cette femme que l'on voit. C'est donc bien qu'Éric Rohmer met le doigt ici sur quelque chose, une expérience que nous pouvons tous faire, qui est sans doute celle du vide, mais alors du vide existentiel, du vide quasiment métaphysique que Pascal décrit dans sa philosophie, qui est ici mise sous nos yeux. Et donc l'identification arrive parce qu'on se dit, mais en fait, oui, moi aussi j'ai pu vivre ces moments-là, même si je ne me le suis pas avoué. Je dirais Rohmer lui-même l'a vécu, hein, car il n'a qu'à se souvenir de sa jeunesse. C'était un grand échalas, assez timide, qui avait beaucoup de mal avec les filles. Et il projette des éléments de sa propre vie. Il faut voir, il y a aussi pas mal de cailloux blancs autobiographiques dans ses films, si on les regarde bien. Mais au-delà de cette dimension psychologique et sentimentale, et même autobiographique, il y a en effet la dimension philosophique. Je pense qu'il faut rappeler quand même qu'avant même d'écrire Le celluloïd et le marbre, et avant même de devenir cinéaste, Rohmer a été cinéphile, un cinéphile tardif. On l'entendait tout à l'heure. Il a vraiment découvert le cinéma, en tout cas il l'a redécouvert vers l'âge de 30 ans en découvrant Stromboli de Rossellini. Donc c'est quoi Stromboli? C'est une femme qui se retrouve comme ça déplacée dans une île et qui tout d'un coup fait l'expérience de la solitude, du délaissement, de la déchéance et qui va rencontrer Dieu ou en tout cas une certaine forme de transcendance dans ce désespoir. Donc ce thème de la foi dans le désert, finalement c'est un thème biblique, hein, voilà, de la traversée du désert et de la mise à l'épreuve de la foi dans le désert à travers la marche, à travers la solitude et à travers ce que Rohmer a magnifiquement explicitement appelé dans un texte sur le sur Murnau, sur Le Dernier des Hommes, qui est aussi un film pour Louis Motteur, le rapport de soi à soi. Hein. Qu'est-ce qu'on, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est seul, à part se regarder, se contempler, pleurnicher, et peut-être à ce moment-là chercher un lien avec quelque chose qui vous dépasse, parce qu'on n'a pas le choix. Et parfois, enfin, souvent, ce lien que l'on cherche arrive dans la conversation. Tu veux du jus d'orange, papa ? C'est bizarre, non ? Comment ? Pour un mois de juillet, c'est bizarre. Ouais. Oui, il fait pas chaud. Vous faites quoi pendant les vacances ? Moi, bah, rien du tout, je suis rentier, je suis à la retraite. Alors je fais le ménage. C'est tout ce que j'ai à faire. Mais je veux dire, vous restez à Paris, vous partez jamais ? Jamais, jamais. Avant, je partais de 2 mois, je partais dans le Jura. Je partais entre le col de la Faucille et la frontière suisse. Ça vous est arrivé souvent de rester au mois d'août à Paris ? Oh bah, vous savez, moi j'ai pris des vacances très tard, parce que j'ai travaillé beaucoup. Ah ouais. J'ai vu la mer pour la première fois, j'avais à peu près 60 ans, quoi. Ah bon ? Voilà. Les vacances, on n'avait pas beaucoup le droit. Quand vous travaillez tout seul dans une maison, ouais. Moi je faisais le taxi, ben, vous savez, il n'y avait pas à dire, faut prendre 2 mois de vacances. Alors j'ai commencé à prendre de grandes vacances chez une personne qui était à la campagne. Ouais. Je m'occupais des bêtes, et puis elle, son petit jardin, puis moi je restais là-bas 2 mois. Mais t'aimais bien la montagne ? Non, j'aime pas la montagne. Pourquoi t'aimes pas la montagne ? Parce que j'ai tellement l'habitude de conduire dans Paris, moi, les fossés, ça me fait peur. Je suis un vrai Parisien. On est bien ici à Paris. On est bien à Paris. Pareil, ici, on a tout ce qu'il faut pour se promener. Si vous ne savez pas quoi faire pour les vacances, Romère va vous aider. Et surtout Pépé, hein, ce personnage qu'on voit au début du film avec qui discute Delphine, qui est très content d'être à Paris, qui n'aime pas la montagne. Et puis qui nous rappelle qu'au mois de juillet, il peut faire froid. Et même en 1986, avant qu'on parle du dérèglement climatique, c'était assez intéressant. Alors vous aurez peut-être remarqué, en tendant l'oreille, le bruit d'une moto qui passe. Là, on est dans le jardin hein, du Pépé, ils sont en train de déjeuner. Et on entend la moto comme si elle passait là juste à côté de la maison de Radio France au moment où nous sommes en train de nous parler, Noël Herpe. Éric Romère, c'est aussi, peut-être même surtout, ce travail sur le son. Oui, absolument. Alors c'est Claudine Nougaret qui allait par la suite devenir la compagne de Raymond Depardon, qui a été l'ingénieur du son de ce film, pas payé comme tout le monde d'ailleurs, puisque comment ça pas payé ? Bah, les gens étaient payés au lance-pierre, hein. Ils avaient une sorte de contrat d'intéressement, mais ils savaient pas ce qu'il allait en faire, Romère, de ce film. Il est parti sur les routes de France avec une équipe jeune et féminine, hein. La chef-op Sophie Matigneux a dû avoir 24 ans, Claudine devait avoir à peu près le même âge, Marie Rivière et Rosette, n'en parlons pas. Voilà, et il part sac au dos avec une petite caméra 16 mm et il sait pas trop ce qu'il va faire. Et il faut préciser d'ailleurs que le film n'a pas été tourné en 86, il a été tourné en 84, juste après, si je ne me trompe, Les Nuits de la Pleine Lune, et il va mettre très longtemps à sortir parce qu'il l'a gardé dans ses cartons, il savait pas quoi en faire. Et finalement, c'est Lisa Heredia qui remplace sa monteuse attitrée Cécile de Cugis, Lisa Heredia qui était la compagne de Jean-Claude Brissot, et qui va monter le film, un peu de briquet de broc au départ, et qui va en effet avoir l'idée de monter toutes ces scènes avec le chauffeur de taxi, qui est en fait un parent de Rosette, si je ne me trompe, hein, recruté un peu sur le tas, donc les conversations avec ce personnage, comme ça. Et c'est elle qui propose à Romère de tout monter d'une seule traite, c'est-à-dire de faire comme si ces conversations, qui en fait étaient filmées à plusieurs jours d'intervalle, avaient été une seule conversation. Alors Romère est très choqué, parce que et ça illustre la question que vous posez aussi sur le son, c'est-à-dire que il veut respecter la réalité, il a très peur de trafiquer le réel. Les choses sont là, pourquoi les manipuler, a dit Rossellini. Ouais. Alors Romère est un grand manipulateur, mais il veut pas que ça se voit. Donc si jamais, par exemple, sa monteuse enlève 2 ou 3 pas dans l'escalier de Pascal Augier dans Les Nuits de la Pleine Lune au montage pour aller plus vite, il va retourner à l'appartement où on a tourné pour vérifier qu'elle a bien fait tel nombre de pas et pas tel autre. Donc il est très attaché à la réalité des choses et plus exactement à leur vraisemblance, hein, pour reprendre le thème cornélien qui lui était cher. Et oui, il a ce respect pour le réel parce que je pense qu'il a le sentiment qu'il va se passer quelque chose qui va peut-être déborder son propos et qui va en même temps venir à sa rencontre. C'est une sorte de jeu de chaise musicale. Il a tout décidé, en fait, il sait exactement ce qu'il veut raconter, mais il veut que le réel, à un moment donné, raconte les choses à sa place comme si de rien n'était. Comme si c'était le hasard qui décidait à sa place. Il y a une très belle formule de Melville Poupeau qui m'avait dit, quand je l'avais interviewé pour le livre, Eric, c'est quelqu'un qui prépare tout, mais à partir du moment où il dit moteur, il attend que le réel passe dans le champ de sa caméra. Ce qui interroge en fait notre expérience de spectateur. Pourquoi voulons-nous regarder une scène qui ressemble exactement à celle que nous vivons quotidiennement avec notre famille, notre grand-père ou autre. C'est ça, en fait. C'est justement parce que Romer, il met du merveilleux. Moi, il me semble que quand j'ai aimé Le Rayon Vert, vous voyez, par exemple, moi, personnellement, j'ai jamais aimé les films de Rivette. Je sais que Romer a été influencé par Rivette quand il a fait Le Rayon Vert, et par des films comme Le Pont du Nord ou Céline et Julie, mais je trouve qu'il y a un côté foutraque et chaotique dans les films de Rivette qui me convient pas. Et Romer nous donne à voir notre réalité, mais il nous dit, tenez bon, il y a un lien caché derrière tout ça. L'absurdité a un sens. Votre vie, même si elle a l'air vide, misérable et solitaire, mène à quelque chose, mène à un miracle qui vous sera révélé un jour. Il nous donne des raisons de croire, et pas forcément en Dieu, hein, mais dans le miracle quel qu'il soit. D'ailleurs, le sens caché parfois se trouve dans des cartes à jouer. Voici à nouveau un court extrait de la voix d'Éric Rohmer et puis l'extrait de la Dame de Pique, moment où le personnage, donc Delphine, joué par Marie Rivière dans Le Rayon Vert, trouve par terre une carte à jouer qui est une dame de pique. Je n'ai pas d'idée sur la psychologie de mes personnages. Mes personnages, bon, finalement, je me sens assez... Ils sont là, bon, ils surgissent, et puis je me sens pas maître d'eux, mais voilà. Je peux croire à une chose, je peux croire aux cartes à jouer, aux petites cartes à jouer qu'on trouve dans la rue. Enfin, moi, je trouve des cartes à jouer dans la rue. Tu trouves souvent? J'en trouve parfois, à des moments. D'ailleurs, je m'y attends pas du tout et je marche et je trouve une carte. Et ça signifie quelque chose à chaque fois. L'autre fois, on a un chez ma sœur, j'ai trouvé quoi? Une petite dame de pique. Voilà, la dame de pique, c'est mauvais. Ah oui. Tu connais, toi, les significations? Quelques-unes, oui. Donc, en allant chez ma sœur, tu vois, je suis attirée par une... Et en plus, la carte était verte. Et ce qui est vachement bizarre, c'est que j'ai rencontré un médium, un copain à moi, qui m'a dit que le vert serait ma couleur de l'année. Et c'est vachement bizarre, parce que moi, depuis ça, enfin, c'est peut-être parce que je le remarque, je rencontre toujours des petites choses vertes, tu vois. Alors là, je marche pour aller chez ma sœur, qu'est-ce que je vois pas? Une petite carte verte, tu vois, près d'un poteau vert, et moi, quoi, j'étais habillée en vert. Déjà, le truc. Ah bah, si ça se trouve, c'est un petit homme vert que tu vas retrouver. Non, mais c'est la couleur de l'espérance, hein. Alors, c'est une bonne année. Alors avant de commenter la couleur Noël Herp, le son encore une fois, est-ce que vous avez entendu la petite mélodie à cordes, au violon vraisemblablement, et la seule musique de film composée par Rohmer pour un film? Pas tout à fait, non. Parce que il faisait semblant qu'il faisait rien, qu'il décidait de rien, mais en fait il décidait de tout. Généralement quand la musique elle est dans le film en fait, elle est jouée à la radio ou à la guitare, et il y en a peu qui sont surimposés. C'est un mythe? C'est un peu un mythe, parce qu'en fait, Delphine du Lion, il y a ça, il y a une musique qui a été composée pour le film, et puis ensuite il a effectivement fait des petites musiquettes comme ça avec son compositeur Jean-Louis Valero, qu'il composait souvent lui-même, où il donnait le thème, car il jouait du piano et il connaissait quand même bien la musique. Plus tard il va écrire déjà dans La Femme de l'Aviateur, il a écrit une chanson chantée par Ariel Dombal. Voilà, donc mais elle est dans le film. Elle est dans le générique de fin, c'est le générique de générique fin. De fin. Non, ça arrive, hein. C'est très discret. Et effectivement, dans le film, donc la musique est là, justement, comme le signe du lion, le signe du lien. C'est-à-dire le signe qu'il y a quelque chose. Voilà, elle est là, c'est erratique, elle sait pas où passer ses vacances, elle part à la montagne, elle rentre, elle part à Biarritz, elle s'ennuie, elle veut repartir à Paris, etc. Mais il y a les cartes à jouer avec cette musique qui lui disent qu'elle n'a pas tort de persévérer. Et que finalement, sa quête dans le désert sera récompensée. C'était d'ailleurs un peu le même principe dans Le Signe du Lion, avec ce film absolument magnifique, trop méconnu, qu'il a fait en 1960, son premier long métrage, avec Jess Hahn, donc qui joue un Américain qui se retrouve à Paris tout seul parce que tout le monde est parti, et il a plus d'argent, et il se clochardise petit à petit, et il y a cette marche dans Paris qui paraît absolument désespérante, qui est ponctuée là aussi de signes musicaux, mais aussi de signes ésotériques. Effectivement, c'est intéressant ce goût pour l'ésotérisme. Oui. Chez Rohmer, hein, alors dans le signe du lion, c'est tout le truc avec les planètes. Et à un moment, il va même tirer dans le ciel pour exprimer un peu le personnage de Jessane, pour exprimer son hubris. Il en sera puni d'ailleurs par cette mise à l'épreuve du désert. Donc il y a tout un sous-texte symbolique et ésotérique qu'il est intéressant de creuser. C'était peut-être lié à l'influence de Paul Jégoff, hein, dont il faut rappeler que c'était le scénariste des premiers films de Rohmer. Il a inspiré la fable du signe du lion, et on retrouve encore un peu ça effectivement, le goût des cartes. dans le rayon vert. C'est un peu des astuces aussi, c'est un peu des manières pour Homer de métaphoriser cette recherche du miracle, sans forcément, si j'ose dire, abattre ses cartes de manière trop vite. Non, mais c'est un peu gros aussi, là, quand elle erre dans Paris, et tout d'un coup, tiens, une carte à jouer par terre, elle la retourne, et c'est une dame de pique, et gros plan sur la dame de pique. Homer nous a habitués à plus de subtilité, disons. Oui, il aime bien mettre si les pieds dans le plat. On peut se permettre une critique. Il aime bien mettre les pieds dans le plat. Ouais. Par exemple, après tout, n'importe quel cinéaste, plus intellectuel justement au sens classique du terme, n'aurait pas montré le rayon vert. Par exemple, dans le livre de Jules Verne, la jeune femme, la jeune écossaise qui est emmenée par ses oncles à la recherche du mari idéal et puis qui finit par le trouver. Alors, elle finit, parce qu'il y a autour de ça un scientifique qui cherche le rayon vert, etc. Un peu ce qu'on va retrouver dans le film de Romer, mais évidemment, toute proportion gardée. Et puis à la fin, plutôt que de regarder le rayon vert, elle préfère regarder dans les yeux de son amoureux. Dans le film, elle regarde le rayon vert. Alors, je ne dis pas à dessein ce qu'est le rayon vert, parce que j'aimerais qu'on le garde pour la fin, bon, si vous êtes mais d'accord. Mais on le voit, même si on ne sait pas ce que c'est, on le voit. Et on aurait pu s'en passer, mais Romer aime quand même... Et Romer a très peur de ne pas être assez explicite. Il a toujours peur que le spectateur comprenne pas. Donc, par exemple, quand dans le conte d'hiver, qui est une magnifique fable aussi, shakespearienne et mais alors, il y a les contes, peut-être dites-nous, les quatre contes à s'inscrire dans des séries. Il y a d'abord les contes moraux dans les années 60, puis les comédies et proverbes auxquels appartient le rayon vert dans les années 80, et à la marge, évidemment, puisque c'est un film un peu spécial. Et puis, ensuite, il y aura les contes des quatre saisons. Et dans le conte d'hiver, il y a cette histoire de la nana qui a eu un merveilleux amour de vacances, sauf qu'au lieu de... Elle donne l'adresse au mec à la fin du prologue, en disant, en mettant sur son adresse le Valois, alors qu'en fait, elle habite Courbevoie. Bon, donc, mais il va bien nous montrer les panneaux pour qu'on comprenne bien qu'elle a dit le Valois, mais qu'en fait, c'est Courbevoie, au cas où le spectateur n'aurait pas compris. Donc, il a ce côté pédagogue, il était prof aussi, Romer, faut le rappeler, il a enseigné toute sa vie à la fac. Il a fait des films pédagogiques, même. Il a fait des films pour la télévision scolaire, et il est soucieux de vraisemblance, mais aussi de lisibilité, je pense aussi qu'il a dû se dire que ce film assez aride, assez opaque, assez austère, ne pourrait marcher qu'à partir du moment où il y avait une sorte de... alors je ne sais pas s'il faut appeler ça le suspense hitchcockien ou le suspens cornélien, mais quelque chose qui tient le spectateur en haleine. Donc ces cartes à jouer remplissent un peu cet office. Alors l'autre chose, je ne sais pas si elle tient les spectateurs en haleine, ou en tout cas elle les met à l'épreuve. Si on résiste à cette scène, on peut rester jusqu'au bout du film sans aucun problème. vous me voyez venir. On a passé l'épreuve. C'est une scène qui dure, je crois, presque 7 minutes. Ils sont à table, vous allez entendre le début de la scène. Alors, juste deux mots avant qu'on l'entende, on l'a remonté pour les besoins de l'émission, et ici elle fait 1 minute 54, c'est donc trois fois plus court que le temps réel dans le film. Elle est à moitié improvisée cette scène, c'est ça Noël Herp? Elle est à moitié improvisée, mais comme toujours, c'est très préparé parce que Romer, en fait, fait des longues conversations avec ses comédiens et comédiennes, et surtout ses comédiennes, dans le bureau du film de Losange, donc de la production de ses films. Et il prend le thé, il leur donne des petits gâteaux, il discute, il leur fait parler de leur vie amoureuse. Et donc, de la sorte, Pascal Augier, Béatrice Roman ou Marie Rivière... C'est surtout une technique de direction d'acteur, en fait, parce que du coup, elles ont vraiment l'impression que le film parle d'elles, que c'est un film sur elles, alors qu'en fait, Romer sait ce qu'il a envie de raconter à travers elles, puisqu'il a déjà plus ou moins écrit le canevas. Mais voilà, c'est une manière de les attirer dans ses filets et de leur donner l'impression que le film ne va être qu'un documentaire sur elles. Donc ça les met terriblement à l'aise pour s'exposer dans leur intimité. Alors ensuite, ça veut pas dire qu'ensuite, il ne va pas y avoir un gros travail de montage et de réécriture a posteriori. Et avec Lisa Heredia, il va réécrire cette scène de la salade, inspirée donc en partie des convictions écologiques de Marie Rivière, donc telle qu'elle avait pu les lui exprimer dans les conversations préalables et dont il s'est servi. Il a dû lui dire juste avant de tourner la scène, tu vas me redire tout ce que tu penses de tes arguments pour être végétarienne. Hein. Pourquoi est-ce que tu ne manges pas de viande? Et voilà, défends ta salade, si j'ose dire. Mais ensuite, il va quand même réintervenir sur cette scène, discrètement, et d'ailleurs, mais en même temps d'une manière assez exceptionnelle dans son œuvre, puisqu'il était quand même assez rare qu'il coupe un gros morceau d'une scène tournée. Il avait tendance à utiliser tout ce qu'il avait fait. Il faut savoir que Romer ne faisait que généralement qu'une prise ou deux, hein. Donc il utilisait ce qu'il avait tourné. Mais là, il y a eu deux exemples où il a demandé à sa femme de venir lui a demandé conseil pour Les Nuits de la Pleine Lune. Il y a eu une discussion dans un bistrot entre Pascal Augier et Laszlo Szabó. Et puis pour cette scène. Parce que c'était, effectivement, j'ai lu la transcription de la scène telle qu'elle était à l'origine. et c'était très long quand même sur les pauvres gentilles vaches, c'est horrible la vache quand on la tue, elle est si mignonne la petite vache, c'est si méchant. Bon, et à un moment, bon, Thérèse Scherrer, l'épouse de Romère, a dû lui dire, bon, peut-être qu'on pourrait un tout petit peu écourter la scène. La voici donc, vous l'appelez la scène de la salade, on l'appelle la scène des côtes de porc. Voilà les côtes de porc. Parce que j'ai pas le choix. Une place. Ouais, okay. Alors il y a des bleus, il y a des saignantes, il y a tout ce qu'il faut. Chacun sert. Attends, hein. J'enlève. Bah, moi je mange pas de viande. Ah bon? Ouais. Tu n'aimes pas la viande? Non, j'en prends pas. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas un problème. Oh, tu manges pas de viande. Enfin, c'est surtout les bêtes qu'on le sent rouge, quoi. Alors finalement, on te présente une côte de porc, là, comme ça, et toi, tu vois l'animal, toi. Mais Delphine, t'aimes bien le vert? La salade, par exemple, quand tu la sors du jardin, elle est vivante, mais après, elle se flétrit, donc elle est morte. Ouais, mais moi, je vois pas ça pareil. Je vois pas ça pareil. Pour moi, la salade, c'est vachement loin que... C'est beaucoup plus loin de moi que la viande, qu'un animal. La salade, c'est plus c'est une amie, c'est plus léger, c'est plus... Les légumes, c'est plus aérien, c'est... Je sais pas, ça... Même ce qu'on appelle le pâté végétal, tu vois, qui est fait avec uniquement végétal. Bon, ça a le goût du pâté, et ben, je peux pas le manger, même que je sais que c'est végétal, ça me dégoûte. C'est le mot, simplement, alors pâté. C'est pas le mot, c'est le goût, c'est l'impression, c'est lourd comme truc. Bah, moi, je trouve qu'il y a quand même un appauvrissement. Non, il n'y a pas d'appauvrissement. Moi, j'aime bien m'aérer la nourriture comme ça, je sais pas, c'est... Bon, c'est aérien, c'est léger, ça bon tout ça, c'est tu te fous de ma gueule. Non, c'était pas préparé, c'est la décoration. Mais d'ailleurs, moi, je veux pas manger les fleurs non plus. Mais c'est une question d'instinct, parce que, ouais, une fleur, je trouve, une fleur... Nous, on l'apprécie, regarde, tout le monde... Je pourrais pas manger une fleur. Pour moi, une fleur, c'est poétique, c'est un tableau, c'est... Certains pensent que le cinéma actuellement ne doit pas raconter d'histoire. Je ne suis pas du tout de leur avis. Je pense qu'un cinéma moderne doit raconter des histoires, mais des histoires modernes. Il y a place au cinéma pour une certaine façon de raconter des choses et pour certaines actions qui n'ont pas été montrées jusqu'ici. En particulier, on n'a jamais osé, au cinéma, montrer des personnes qui avaient une véritable conversation. On a peur, effectivement, que la parole l'emporte sur l'image. Il faut chercher dans cette voie, que c'est un domaine nouveau qu'on peut explorer. Quelle action, en fin de compte? Qu'est-ce que c'est que l'action au cinéma? L'action se réduit à un nombre de gestes extrêmement limités, surtout dans la vie moderne. Si on raconte une histoire dans laquelle on ne veut pas qu'il y ait de bagarre, ni de poursuite, ni de mort, ni de crime, etc., et dans ce cas-là, que montrera-t-on? On montrera des choses extrêmement monotones. Si l'on veut être vrai, en fin de compte, il faut accorder une grande importance à la parole. La clé de lecture de cette scène de Marie Rivière végétarienne, Noël Herpe, en fait, c'est Eric Romère lui-même qui nous la donne. Dans cet extrait, pourtant avant, en 1969, sur France Culture, un cinéma vérité, en fait, c'est le courage de montrer une véritable conversation. Oui, bien sûr. C'est trop rare au cinéma. Une conversation qui n'est pas brillante, c'est pas Marivaux. Hein. Non, une véritable conversation, c'est-à-dire, voilà. Oui, telle qu'on peut les avoir Absolument. À table avec nos amis. C'est ça. On a parfois des conversations brillantes. Bah, oui, toujours. C'est vrai aussi. Pas toujours. Et c'est vrai que, oui, parce que ça m'énerve quand on compare Romère à Marivaux. Pour moi, ça n'a rien à voir. Souvent. Pourquoi le frère? Ah oui, parce qu'il y a le jeu de l'amour et du hasard. C'est vrai que ce sont des termes qui reviennent beaucoup. Non, peu importe d'ailleurs. Enfin, il me semble d'ailleurs, plus proche de Balzac, on pourrait en parler, parce qu'il y a un côté sociologue chez lui, une manière de vouloir montrer les états de la société, et surtout des types sociaux, et surtout des types féminins, et des types émergents. Il veut montrer aussi des types sociaux que le cinéma n'a jamais montré. Et il va montrer la râleuse, Marie Rivière, la dragueuse avec Zouzou, la fille qui veut avoir deux foyers à la fois avec Béatrice Roman dans Le Beau Mariage, etc. Hein, ce sont des types aussi forts que ceux de Balzac, et émergents comme l'étaient ceux de Balzac en son temps. Mais sur la conversation, oui, il y a deux choses qui me frappent. C'est-à-dire que s'il y a un petit défaut, me semble-t-il, qui m'a toujours été sensible d'ailleurs en voyant le film, c'est que justement Marie Rivière, surtout Marie Rivière d'ailleurs, mais peut-être aussi un peu les autres actrices, ont tendance à reprendre des mots canevas. Parce que je pense que Romère leur a dit tel mot, il faut le caser, aérien. Aérien, les légumes, c'est aérien. Par exemple, dans la scène de la drague, qui est un chef-d'œuvre, la scène de la drague, avec deux dragueurs lourdingues, etc. Et elle n'arrête pas de répéter, je regarde les autres, je regarde les autres. Et on sent qu'elle le dit parce que Romer lui a dit dans le canevas, il faut dire cette phrase. Donc il y a quand même des petits cailloux blancs qui sont placés et qui étaient peut-être pas indispensables, je sais pas. En même temps, cette espèce de, d'irruption du mensonge donne tout son prix à la vérité. Il y a toujours cette espèce de frottement, hein, dont je parlais tout à l'heure entre la fiction et la réalité qui fait que il y a toujours, c'est pour ça que ça énerve beaucoup les gens. Parce que ça crisse, hein, ça crisse sur le gravier, quoi. Oui, puis surtout, on n'est pas du tout prêt. Quand on regarde un film, il y a une sorte de contrat tacite qui est passé. On regarde le film pour ce qu'il est. On se dit pas, c'est de la fiction. On se dit, mais c'est vraiment arrivé. On est dans le film. Oui. Et tous les indices qui viennent nous révéler qu'en fait, on est entre les deux. C'est à la fois quelque chose de réaliste, voire du documentaire. Et en même temps, il y a un texte qui est écrit. C'est très crispant pour un spectateur. On sait plus où se situer. Oui, on se sent un peu pris en otage, hein. Et je vois ça souvent avec un jeune public, hein. Ils ont l'impression, parce que au fond, il y a un effet de loupe grossissante. Hein. Oui, donc ça sonne faux. Ouais. On se dit, voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Romer nous regarde comme il regarderait des insectes avec une grosse loupe, et il regarde nos verrues, nos défauts, nos tics de langage, nos idiosyncrasies, et on n'a pas forcément envie de. C'est un cinéma miroir, en fait, mais dans le sens presque le plus monstrueux. Presque un peu cruel de sa part, hein. Mais en même temps, si on va au-delà de cette première impression, moi j'ai toujours un malaise j'avais toujours puisque maintenant sa carrière est terminée, mais Close est vraiment une carrière magnifique. J'ai beaucoup de plaisir à revoir les films de Romer, mais chaque fois que je les voyais pour la première fois, je me disais, oh là, c'est pas possible, mais ça sonne faux, etc. Aujourd'hui, quand je revois Le Rayon Vert, je suis plus tellement sensible à ça. Au contraire, je découvre l'extraordinaire vérité sociale la beauté poétique de ces films. Mais au début, il y a toujours cette impression de fausseté, sans doute parce que c'est trop vrai, justement. Mais même le côté moraliste, on pourrait très bien regarder les films de Romer comme on lit un roman de Jane Austen avec le cœur et la raison qui parfois s'opposent, parfois s'accordent. Il dépeint aussi des personnages de cette manière-là. Ah bah oui, c'est un auteur du 19e siècle qui fait semblant d'être un cinéaste moderne. Il regarde en vieux monsieur venu d'une autre culture, des jeunes avec leur code amoureux, la tribu des jeunes des années 80, il les regarde avec un regard de moraliste, pas dupe, et en même temps, il les laisse faire, il regarde comment ça se passe, et c'est cette rencontre entre une vision très cadrée le débordement de la vie et du contemporain qui fait la saveur de ces films. C'est la tension de deux contraires, une tension presque radicale entre deux extrêmes. Voici la tension entre deux contraires. D'un côté, Delphine, vous commencez à la connaître, même si vous n'avez pas vu le film. Et de l'autre, une touriste suédoise, Lena. Quelle rencontre! Et c'est l'occasion pour les deux filles de mettre en œuvre un plan de drague. Ça tombe bien, il y a deux garçons qui seront disponibles. Voici la scène dite de drague. Vous verrez, c'est pas l'honneur de Delphine. On va draguer un petit peu. Draguer? Bah oui. Draguer? Draguer, draguer. Oh là là, je voulais bien. Moi, tu sais, j'ai des difficultés à trouver un type idéal. Enfin, mais c'est quoi ton idéal? Tu veux, est-ce que tu préfères? C'est romantique, mon idéal. C'est un idéal romantique. Ah bon? Et c'est... Alors, les portefeuilles, ça va, c'est pas grave. Ah c'est non, pas important. Non, non. Quand tu vois quelqu'un passer pour ressembler, un mec, un beau mec, comment tu sens que ça c'est bien pour toi? Comment tu sens le type quand il t'approche, quand il commence à te parler? Comment tu sens que tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Comment tu sais, peut-être il te plaît, si tu ne regardes pas quand même? Non, bah oui, je regarde, tu crois moi, je regarde beaucoup, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les gens. Mais pour le reste, tout est flou. C'est bon, tout est flou. Non, je te dis, c'est très flou, c'est je sais pas. Que le type, il ne vient pas tout seul. Il faut faire quelque chose. Pour moi, c'est vague tout ça, c'est une conversation. Je veux dire, il faut faire quelque chose. De toute façon, on me l'a déjà dit, mes copines à Paris, elles m'ont déjà dit, il faut faire quelque chose, il faut chercher, il faut... Ah, blablabla. Pour moi, les choses, c'est pas évident, je suis pas normale comme toi. Pour moi, c'est... Si j'avais quelque chose à montrer, quelque chose à donner, les gens l'auraient vu. Si je suis larguée, c'est normal, c'est certainement c'est de ma faute. Quand je fais des efforts, j'essaie plus d'écouter les gens, tout ça, et de leur parler. Bonjour. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Venir ce soir avec vous? Oui. Si vous êtes poussé en vacances? Non, moi je suis ici, on s'est connus aux fêtes de Bayonne. Ah bon? Et j'ai sympathisé. C'est quoi Bayonne? C'est une ville. Ah bon, je croyais que c'était un saucisse parce que... Non, il y a le jambon de Bayonne, le jambon. Ah oui, le jambon. Le jambon, c'est bon. Ah oui. Le jambon, c'est bon. Ça pourrait être comme l'Hamburg. Vous êtes d'un mot. La hamburgaise. Ah, ya. Ya, ya, le repère bon. Ya. Delphine, Delphine, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Et Delphine. Delphine. Delphine. Et non, Delphine n'aime ni le jambon, ni ses garçons. Visiblement, Noël Herp, Delphine qui s'en va en pleurant. Elle était déjà au bord des larmes en expliquant qu'elle n'était pas normale et que si elle devait plaire aux garçons, elle aurait déjà plu avant et donc ça n'arrivera pas. Il faut dire que les deux garçons-là sont quand même assez lourdingues, Noël Herp. Oui, oui, oui, là aussi, chronique de la vulgarité. Alors, faut préciser que tout ça était, cette scène qui était un morceau d'anthologie. Moi, je me souviens à l'époque, ça m'a à la fois terrifié et fait hurler de rire. Puis, on a tellement connu des moments comme ça. On est très mal avec des gens avec qui on n'a pas envie de rester. Ouais. Mais on est obligé d'être poli, etc. Mais, ils avaient été trouvés sur le tas par Françoise Etchegaray, qu'il faut rappeler, était la bonne fée du cinéma de Romère et trouver les gens sur place qui pouvaient convenir à son propos. Alors, ce qui me, puisque le film comme ça a été fait un peu pas au petit bonheur, mais enfin en repérant au fur et à mesure les gens qu'on pourrait trouver sur place. Et il faut rappeler que Biarritz s'y connaissait bien quand même, puisque c'était là où sa femme avait sa maison de vacances. Hein. Donc il y venait tous les ans en fait. Donc il avait quand même eu le temps de repérer les lieux. Alors ce qui me frappe pour revenir à ce sujet de la conversation, c'est au fond que Romère est en même temps un grand, on pourrait dire, un grand critique du langage. Hein. Son cinéma nous donne à voir le langage, et en effet il nous montre le langage, on prend le langage en pleine figure, comme ça. Le langage devient une sorte de, je dirais, de d'arbre qui cache la forêt, quelque chose qui nous cache la réalité, enfin qui devient absolument étouffant. Ce sera encore pire dans L'Anglaise et le Duc, par exemple, dans ces films historiques, ouais. Ou dans Triple Agent, qui ne sont que des films de paroles, hein, de palabres, de procès, etc. Peut-être parce que Romère veut nous dire, à travers son cinéma, que le langage échoue à contenir l'être, que la vérité de l'être déborde infiniment les pauvres limites du discours. Et il me semble que c'est un peu ça que nous dit cette scène avec Delphine qui ne veut pas être enfermée dans cette vulgarité, bassesse, dans ces limites du langage humain qui échoue à la définir. Elle ne cesse de s'enfuir. Au fond, c'est un personnage qui est en quête d'autre chose, en quête d'une affirmation de son être que ne lui donne pas justement toutes ces conversations dérisoires. Donc on dit Romère cinéaste de la conversation, et c'est plutôt un cinéaste qui nous amène à voir à travers le cinéma une réalité autre que celle du langage et un au-delà du langage. Il montre la vanité de la conversation. La vanité. Ou la limite. Oui, ou les limites du discours plus largement. Ouais. Oui, à travers cet exemple évidemment central qu'est la conversation. On a déjà ça dans Manu chez Maud avec ce personnage joué par Jean-Louis Trintignant qui essaye de programmer sa vie à travers des discussions philosophiques sur Pascal, sur Hegel, etc. Et puis voilà, qui a décidé qu'il allait épouser cette femme qui va, selon lui, représenter la femme idéale, catholique et exemplaire. Et puis le cinéma, et ça sans aucun langage, sans aucun discours, sans aucun programme, nous dit qu'il s'est trompé, puisque je spoilerai pas la fin. Mais donc je dirais que Romère cherche à travers le cinéma une réalité irréductible au langage. Il l'a dit lui-même, hein, le cinéma nous donne à voir le cinéma ne nous donne pas à voir quelque chose que les autres arts ne nous ont jamais montré, mais il le montre autrement. Et il me semble que c'est l'émergence de l'être au sens, on pourrait dire, philosophique ou métaphysique du terme, sur les ruines du langage, qui est peut-être le thème central du cinéma de Romère. Alors avant d'en arriver à la signification du rayon vert, parce que quand même on va vous donner quelques éléments, un dernier point, je rebondis sur cette scène de drague avec Lena, la Suédoise qui est seins nus sur la plage, très avenante et très dragueuse. Pourquoi n'y a-t-il pas, ou si peu, vous connaissez Romère mieux que moi, Noël Herp, de scènes de sexe chez Romère? On est toujours à la lisière et puis finalement, non. Oui, oui, c'est quelque chose qui le gênait beaucoup. Dans L'amour l'après-midi, il y avait une scène de déshabillage de Zouzou. Ben, il ne voulait pas regarder cette scène. Dans Le Conte d'hiver, c'était pareil. Quand on a filmé les ébats amoureux de Charlotte Véry au début du film, il arpentait le couloir. Il voulait pas regarder. Effectivement, il y a chez lui un côté à la fois voyeur et en même temps, il veut pas être, surpris dans cette position de voyeur. C'est toujours un peu pareil. Il a tendance à se cacher, encore une fois, et pouvoir regarder une femme d'une manière qui induirait du désir, ça lui fait très peur. Ouais, c'est ce qui fait. Solène, dans Conte d'été, n'inspire que le désir et hop, elle refuse de consommer, par principe, dit-elle. Oui, oui. Il est certain que la, oui, un certain malaise vis-à-vis du sexe est sans doute un des éléments du cinéma de Romère. Oui, un malaise catholique peut-être, un malaise bourgeois. En même temps, il le donne à voir avec beaucoup de franchise. Mais oui, disons que ces personnages tournent beaucoup. Tourne beaucoup autour du pot, tourne beaucoup autour du sexe, sans oser le faire. Alors c'est, oui, peut-être aussi que je disais qu'il y avait cette révélation de l'être au-delà du langage, mais il y a peut-être aussi la recherche d'une révélation du corps, d'une incarnation qui n'est pas tout, qui s'avère très problématique et qui, mais qui s'avance quand même dans son cinéma. Je dirais qu'il y a deux éléments qui s'avancent. Il y a le côté incarnation sexuelle et l'épiphanie du féminin. Car Le Rayon Vert est un film important dans sa carrière, puisque c'est le moment où vraiment il va vraiment vers ce territoire féminin qui n'était pas tellement présent dans ses premiers films, qui étaient des films assez machos. Et c'est le moment où il a cette phrase que je trouve très belle et très flaubertienne, où il dit « Le cœur féminin, je le sens en moi ». Et il ne va cesser, dans les années qui vont suivre, d'aller vers des films à la fois de plus en plus féminins et de plus en plus érotiques, avec cette apothéose des amours d'Astrée de Céladon, le garçon qui s'habille en fille pour être au milieu des filles. Alors réfugions-nous dans Le Rayon Vert. Quel est le fil conducteur? Qu'est-ce qui fait que le film perd sa présence trop forte, enfin, c'est-à-dire que qu'est-ce qui lie ces différents arrêts de temps dont est constitué le film? Eh bien, c'est peut-être le pressentiment qu'a l'actrice dont elle parle. Autrement dit, c'est l'idée même de la rencontre, l'idée de la carte à jouer, l'idée du rayon vert. Avez-vous quelquefois observé le soleil qui se couche sur un horizon de mer? Oui, sans doute. L'avez-vous suivi jusqu'au moment où, la partie supérieure de son disque effleurant la ligne d'eau, il va disparaître? C'est très probable. Mais avez-vous remarqué le phénomène qui se produit à l'instant précis où l'astre radieux lance son dernier rayon, si le ciel dégagé de brume est alors d'une pureté parfaite? Non, peut-être. Eh bien, la première fois que vous trouverez l'occasion, ce ne sera pas, comme on pourrait le croire, un rayon rouge qui viendra frapper la rétine de votre œil. Ce sera un rayon vert, mais d'un vert merveilleux, d'un vert qu'aucun peintre ne peut obtenir sur sa palette. D'un vert dont la nature, ni dans la teinte si variée des végétaux, ni dans la couleur des mers les plus limpides, n'a jamais reproduit la nuance. S'il y a du vert dans le paradis, ce ne peut être que ce vert-là, qui est sans doute le vrai vert de l'espérance. Tu sais ce que c'est le rayon vert? Non, c'est quoi? C'est le dernier rayon du soleil couchant. Jules Verne a écrit un bouquin là-dessus. Ouais, j'ai pas lu. C'est porte-bonheur, non? C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, on peut connaître... À quoi? Je lirai tout à l'heure. Tu me disais qu'on pouvait connaître quoi? J'aimerais bien savoir. Mais si... Je crois que j'ai compris. Tu pleures? Il ne faudrait pas que je pleure. Des cordes tendues, un petit cri et des sanglots d'émotion, c'est peut-être l'équivalent d'un orgasme à la Romère. On est à la fin du film et le rayon vert arrive et on le voit à l'image, disiez-vous, Noël Herp, puis là, le Romère saisit le rayon vert, j'imagine, sans trucage. Là, on a un peu spoilé le film quand même. Mais on ne sait pas comment on en est arrivé là. Oui, absolument. On ne dira pas. Si trucage. Ah bon. Si je ne me trompe, on a envoyé un opérateur aux Canaries parce qu'en fait, la chef-op était trop fatiguée pour filmer le rayon vert qu'on avait vu un peu à Biarritz, mais bon, elle était trop fatiguée parce qu'il faut dire qu'il exploitait un peu sa petite équipe. Du coup, on a envoyé quelqu'un après coup aux Canaries et puis on a un peu retrafiqué tout ça. Mais il paraît que le jour où le film est passé sur Canal+, puisque le film, avant même de sortir en salle et d'être au Festival de Venise où il a été primé, est passé sur Canal, eh bien, les spectateurs n'ont pas vu le rayon vert. D'ailleurs, beaucoup de spectateurs ne voient pas forcément le génie de Romer. C'est une mise en abîme de son talent, ce rayon vert, c'est ça? Peut-être. Je pense qu'il faut beaucoup de... Il faut peut-être avoir été très amoureux et peut-être aussi un peu malheureux pour aimer le cinéma de Romer. Faut avoir une expérience. Enfin, je sais pas. Tout le monde a été amoureux et malheureux, mais faut ne pas se détourner de cette expérience-là, en tout cas, l'assumer comme une expérience de vie fondatrice et ne pas s'écarter de ce qu'elle peut nous apprendre. Et je trouve que ce film est merveilleux parce qu'il nous dit à quel point être seul, être malheureux, est en même temps une expérience qui est bouleversante en soi, au fond. C'est pas tellement la rencontre qui est importante dans ce film, c'est l'expérience de la solitude. Qui est un bon programme pour les vacances. J'espère que je ne m'en tiendrai pas là. Quand le film sort à la télé puis au cinéma, il rencontre un bon succès. Mais c'est ça qui est extraordinaire, ouais. C'est que c'est sans doute le film dans l'histoire du cinéma français qui a rapporté le plus d'argent parce qu'il a été tourné pour 3 francs 6 sous. Il a été acheté par une société américaine, il a été acheté par Canal+. Il a eu droit à un fonds de soutien aux industries de programme parce que Margaret Ménégoz l'a fait libeller comme un film télé. Il a été primé au Festival de Venise, donc il a très bien marché en salle. Et c'est d'ailleurs un moment où vraiment toute la presse se rallie à Romer. Gérard Lefort avait eu cette formule, il disait « Du cinéma moi-je, grâce au rayon vert, on est passé au cinéma eux-nous ». C'est-à-dire que c'est un peu les débuts de tout ce qui va advenir par la suite, finalement. La sitcom, la télé-réalité, l'intrusion du quotidien, de l'anecdote et de l'individu moyen dans la grande fiction. Tout d'un coup, Romer a été peut-être le premier à anticiper cette tendance de la postmodernité. On se quitte avec une chanson non romérienne, mais bien à propos. Pas de chanson sur les vacances, c'est Stella. Non, je n'ai pas fait de chanson sur les vacances. Le soleil me fait suer. Non, je n'ai pas fait de chanson sur les vacances. Tant pis si ça se fait. J'ai eu droit à tout un sermon de mon directeur artistique. Mais croyez-moi, j'ai tenu bon et j'ai dit zut à la chanson périodique. Non, je n'ai pas fait de chanson sur les vacances. Le soleil me fait suer. Non, je n'ai pas fait de chanson sur les vacances. Tant pis si ça se fait. Le ciel, le soleil et la mer, tout le monde a déjà chanté ça. Alors à quoi bon le refaire pour la 42 12 007e fois? Non, je n'ai pas fait de chanson sur les vacances. Le soleil me fait suer. Merci à vous, Noël Herp, d'être venu nous parler d'Éric Romer ce matin. Merci. Je renvoie alors à votre film, je ne l'ai pas cité parce que vous êtes aussi écrivain et réalisateur, Fantasme et Fantôme, qui est disponible en DVD chez Tamasa Film. Votre dernier livre, Souvenir écran, Voyage en France 2017-2018 aux éditions Bartilla. Et puis la biographie que vous avez coécrite avec Antoine Debecq d'Éric Romer est disponible aux éditions Stock. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. On est tellement impatients de retrouver votre chronique, Géraldine, que déjà la voici, la voilà, qui prend le pas sur Stella. Bonjour à vous. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. J'étais ravie d'entendre parler de Romer. C'est que le début. Je sais que vous êtes une grande fan de Romer. Je crois inconditionnel. Plus que moi. Aujourd'hui, en tout cas, vous nous parlez d'un thème qui n'est pas romérien, puisque vous parlez de sexualité et de connaissance. Oui, mais il y a quand même quelques liens entre l'amour et la connaissance. Alors, en quoi connaissance et sexualité sont-elles liées? C'est la question que pose Lionel Nakache, neurologue et chercheur en neurosciences bien connu, dans son dernier livre, Nous sommes tous tous des femmes savantes? Comme on l'entendait ce titre, cette question lui est venue en assistant à une représentation de la pièce de Molière, Les femmes savantes, le mercredi 16 octobre 2016 précisément. Mais plus qu'une question, le lien entre connaissance et sexualité s'est imposé comme une intuition fondamentale pour lui dès la première scène du premier acte de cette pièce. Vous avez notre mère en exemple, à vos yeux que du nom de savante en honneur en tout lieu. Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave, asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Tout commence dans la pièce de Molière par une discussion entre les deux sœurs, Armande et Henriette. La première que l'on vient d'entendre quand elle apprend que sa sœur envisage de se marier tente de l'en dissuader. Son argument, au plaisir de la chair, il vaut mieux préférer ceux de l'esprit. Il s'agit donc, selon Armande, de se rendre sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. D'emblée, elle met ainsi au cœur de sa réflexion le rapport qu'il y a entre le corps et l'esprit, la tête et l'entrejambe. Mais de quel rapport, selon, existe-t-il si ces deux-là s'opposent? C'est bien ce qu'Armande nous dit, quand on aime l'étude, on ne peut que mépriser les plaisirs du corps, les sentiments du cœur et plus largement tout ce qui relève de la chair, de la sensualité et de la conjugalité. Et c'est bien ce même rapport d'opposition que sa sœur Henriette va reprendre, mais en l'inversant. Voici donc ce que répond Henriette, toujours acte 1, scène 1 des femmes savantes, à sa sœur Armande qui, je le rappelle, tente de la dissuader de se marier. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout puissant pour différents emplois, nous fabrique en naissant. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations où montent dès savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre. Et dans les petits soins, son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements et de nos deux instincts suivons les mouvements, habités par l'essor d'un grand et beau génie les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen. Les terrestres appâts. Henriette est l'opposé de sa sœur Armande. Au plaisir de l'étude, de la tête et de l'esprit, elle préfère ce terre-à-terre, comme elle le dit, du mariage et du corps. Si l'on suit donc cet échange qui ouvre la pièce de Molière, s'il y a un lien entre essence, entre connaissance et sexualité, il semble exclusif. Soit on aime le corps, soit on aime l'esprit, mais pas les deux en même temps. Peut-on alors véritablement parler de lien entre l'une et l'autre si elles ne font que s'opposer? Le propos de Molière est en fait plus subtil que ça, car Armande ne semble pas exclure l'amour, elle exclut précisément celui du corps. Mais il y a bien un amour de la connaissance et peut-être même un rapport charnel à la connaissance. De la même manière, sa sœur Henriette ne dénigre pas l'esprit, elle dit seulement que, je cite, « le sien est fait pour aller terre à terre », signifiant par là même qu'il peut y avoir un esprit, mais fait pour le corps, la matière, le charnel. De là cette question, plutôt qu'un rapport d'opposition et d'exclusion, n'y a-t-il pas plutôt entre connaissance et sexualité une véritable intrication? Les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache, et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache. Sans citer les auteurs, sans dire de grands mots et clouer de l'esprit à ses moindres propos. La thèse de Lionel Nakache dans son livre est qu'il y a entre connaissance et sexualité une véritable analogie. Selon lui, l'une et l'autre reposent en effet sur d'abord la pénétration, ensuite la transformation de soi et enfin l'intersubjectivité. Selon lui, l'une et l'autre connaissent aujourd'hui les mêmes évolutions aux résistances. Pensez par exemple aux similitudes entre l'encyclopédie Wikipédia et l'encyclopédie porno YouPorn, ou à la misogynie qui refuse à certains sexes la connaissance. D'où cette idée que défend Nakache de névrose cognitivo-sexuelle. Mais de manière plus large, il y a aussi cet enjeu, il faut le dire, comment connaissance et sexualité s'imprègnent. Pourquoi par exemple on ne connaît bien que ce qui nous attire. Pourquoi on peut aussi élever conceptuellement le plus trivial? C'était le sens des salons des Lumières qui mêlent les séductions et mots d'esprit, mais c'est aussi le sens de la philosophie, l'amour littéral de la sagesse. Merci Géraldine. Le titre du livre de Lionel Nakache, Nous sommes tous des femmes savantes, c'est paru aux éditions Odile Jacob et c'est donc de Lionel Nakache. C'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Isis Jourda, Géraldine Bosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger à la réalisation cette semaine, Nasser Moussaoui à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Éric Rohmer. On continuera de philosopher avec Éric Rohmer demain en compagnie de Carole Desbara. On évoquera Conte d'été, un film sorti 10 ans après Le Rayon Vert en 1996. D'ici là, pour écouter cette émission, c'est très facile, vous vous rendez sur le site de France Culture, ou bien vous pouvez la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, et à volonté. Une grande pensée solidaire et encourageante pour les étudiants qui sont en train de passer le bac philo au moment où je vous parle, qui sont peut-être déjà sortis de classe, ça ne veut rien dire, parents inquiets, peut-être obtiendront-ils la meilleure note, surtout s'ils ont podcasté les émissions des chemins consacrées au bac philo. À demain, 10h, d'ici là, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, on a un compte Instagram, Twitter et Facebook. Autant de moyens de communiquer avec nous. Demain, 10h, donc nous on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.